où Nushukwa se révèle un adroit limier. La veuve de Beaumorel avait recommencé ses gracieuses envois de fleurs. Son messager était un petit garçon d'une quinzaine d'années, à l'œil vif et intelligent. Il paraissait très discret. Aux questions qu'on lui posait sur la provenance des fleurs, il répondait invariablement par un muet sourire. Un jour que Duchouquet passait en voiture près du marché de la Haute-Ville, il aperçut le petit messager qui trottinait sur le trottoir. « Où vas-tu donc de ce pas ?» lui cria-t-il. « À la Basse-Ville et à Charlebourg, monsieur. »« Alors monte ici, nous ferons route ensemble, car je me rends précisément au Bourg-Royal. » Le petit gars, sans se faire prier, grimpa dans la voiture, heureux de s'exempter une marche de 7 000. « Aimes-tu les chevaux ?» lui demanda Duchouquet. « Oh oui, monsieur, je les aime beaucoup, beaucoup. Eh bien, prends les guides et conduis à ma place. » Puis, d'un air indifférent, il ajouta « Je te connais de vue depuis longtemps, mais j'ignore ton nom. Je m'appelle Louis Renaud, monsieur. Et tu demeures ?»« Au pied du coteau Sainte-Geneviève. » Duchouquet, craignant de paraître trop curieux, ne voulut pas lui en demander davantage. Il lui offrit des bonbons qui furent agréés avec joie. Le gamin descendit chez un nommé Bédard, près de l'église de Charlebourg, et Duchouquet fit mine de continuer sa course dans la direction de Bourg-Royal. « Je viendrai te prendre dans une heure, » dit-il à Louis Renaud. « Merci, monsieur, je vous attendrai. » Le lecteur a sans doute deviné que Duchouquet n'avait nullement l'intention de se rendre au Bourg-Royal. C'était un prétexte qu'il s'était donné pour accompagner l'enfant, dans l'espoir d'en obtenir des renseignements utiles. Au bout d'une dizaine d'arpents, il attacha son cheval à un arbre, alluma sa pipe et s'assit sur le gazon. Une heure plus tard, Duchouquet reprenait l'enfant qui portait un vase rempli de framboises. « Tiens, tiens, est-ce toi qui accueillis ces jolis fruits ?»« Oui, monsieur. »« C'est pour ton maître ou ta maîtresse, sans doute ?»« Non, monsieur, c'est pour moi-même. »« Veux-tu me les vendre ?»« Oh, je n'oserais pas vous les vendre, mais vous me feriez un gros plaisir si vous vouliez bien les accepter. »« Volontiers. » fit Duchouquet, et il glissa dans la poche de l'enfant une pièce de 50 sols. Mais en retirant sa main, il sortit de la poche, accidentellement en apparence, deux grandes enveloppes soigneusement scellées qui tombèrent dans la voiture. Il est bon de dire que, du coin de l'œil, il avait déjà remarqué ces enveloppes. « Ah !» fit-il en riant. « Te voilà devenu facteur de Sa Majesté ?» « Ce sont deux lettres pour la France qu'on m'a chargé de remettre au capitaine du Brigantin qui fera voile demain matin. »« Je puis t'éviter cette course, car je dois porter des colis. Ce soir, à bord du vaisseau, et je pourrai donner ces lettres au capitaine Blondin qui est mon meilleur ami. Vous êtes vraiment trop bon. Je vous remercie d'avance pour ce nouveau service. » Duchouquet plaça les deux plis dans son gousset, et ayant de Réchef confié les guides à l'enfant, il se croisa les bras et se prit à rêver à la veuve de Beaumorel, ou plutôt à la déception qu'il réservait à cette intrigante. Pas n'est besoin d'ajouter que le rusé Renard, dès son retour au château Saint-Louis, remit la lettre au gouverneur. Frontenac, après s'être fait raconter les détails de l'aventure, dit à son serviteur « Je vous félicite. Vous avez déployé beaucoup de tact et d'adresse dans cette affaire. » Resté seul, le gouverneur examina ces lettres dont l'une était adressée à la comtesse de Frontenac et l'autre au lieutenant de marine Paul Aubry, 36 rue Cluny à Paris. La tentation lui vint d'ouvrir la lettre destinée au lieutenant Aubry. Il en avait d'ailleurs le droit en sa qualité d'administrateur de la Nouvelle-France. Mais il eut un scrupule. Il appela auprès de lui René-Louis Chartier de Lobinière, conseiller du roi et lieutenant général civil et criminel, à qui il fit part de ses soupçons contre la veuve de Beaumorel. Chartier de Lobinière, sans hésiter, rompit le cachet de la lettre qu'il lut à haute voix. En voici la teneur. « Mon cher frère, ta dernière lettre, que j'attendais avec une vive anxiété et que j'ai reçue hier, a rempli mon âme de joie. Merci, mon chéri. Les nouveaux renseignements que tu me donnes sur Louis XIV ne m'ont causé aucune surprise, car rien ne veut me surprendre de la part de ce triste sire que nous avons le malheur d'avoir pour souverain. Espérons qu'une nouvelle Lucrèce Borgia en débarrassera bientôt notre belle France. Un mot maintenant de mes projets. Je regrette de te dire que les choses ne vont pas au gré de mes désirs. Il est vrai que depuis plus de 2 mois, notre gouverneur a été très occupé et que les réceptions à son palais ont été rares. Cependant, le lendemain du siège de notre ville par les Anglais, j'ai eu l'avantage de rencontrer le comte au château Saint-Louis. Il a été pour moi d'une courtoisie parfaite, pour ne pas dire plus. À 2 reprises, comme à la dérobée, il attacha sur moi un regard que je ne puis définir, mais dans lequel mon cœur, qui s'y connaît, a deviné un nouveau sentiment fait de tendresse et d'admiration. C'est sans doute le coup de foudre qu'il ressentait. Mais attendons les développements, mon chéri. Quoi qu'il en soit, je suis persuadé que les lettres que tu as écrites sur les phrases créelles ou fausses de la divine ont produit beaucoup d'effets sur l'esprit altier du comte. Je veux lui faire détester cette femme autant que je la déteste moi-même. Par le même courrier qui t'apportera la présente, j'envoie une nouvelle épître à la comtesse de Frontenac. Je lui représente le comte comme un être dégradé et je lui dis des choses qui devront la dégoûter pour toujours de son mari. Toutes ces choses, bien entendu, sont de mon invention, car le gouverneur est aujourd'hui un homme rangé. Comme le diable, en veillant, il se fait moine. Il va à la messe presque tous les matins chez les pères Récollets, et il s'est réconcilié avec Monseigneur de Saint-Vallier. Ils paraissent les meilleurs amis du monde. Le gouverneur n'est plus jeune, mais il est encore frais et vigoureux comme un homme de 40 ans. D'ailleurs, peu importe son âge, si j'ai la chance de le décider à demander le divorce et à m'épouser, son titre et son palais suffiront à mon bonheur et au tien, mon chéri. Je sais que le gouverneur doit donner prochainement une grande fête pour célébrer sa victoire sur l'amiral Phipps. Mon nom sera certainement un des premiers sur la liste des invités. On vante ici ma beauté, ma grâce, etc. Mon miroir me dit que ces louanges sont méritées. Eh bien, ce jour-là, je serai plus belle et plus gracieuse que jamais. Je veux être la reine de la fête et la divine de la Nouvelle-France. Je ferai ensuite et rondement l'assaut du noble cœur du comte de Frontenac. À bientôt, mon chéri. Jacqueline de Boismorel.